Les autres agglutinés, vous, solitaires, à petits pas feutrés parmi les pierres, silhouette blanche, un doux dimanche, tout pour me plaire. Admirant quelques vestiges antiques, serrant votre appareil photographique dans vos mains blanches qui se retranchent sous des yeux mélancoliques, me regarderez-vous? Pourtant moi, je suis là, je penserai à vous, vous ne le saurez pas. Sourire poli à tous les clients, un tiroir caisse, un clavier, un cadran, les gens défilent, les plats s'empilent, c'est le néant. Allure belle, aux gestes soulignés, par les couleurs uniformes du métier, les doigts agiles, les yeux dociles, et prendrez-vous un café? Me regarderez-vous? Pourtant moi, je suis là, je penserai à vous, vous ne le saurez pas. Jolis bras ondulants sous les lumières, valsent les franges d'une robe légère, cheville fine et ballerine, poupée de verre. Sur les planches d'une estrade de fortune, captivant les regards de la tribune, un brin mutine, elle s'illumine d'un timide éclat de lune. Me regarderez-vous? Pourtant moi, je suis là, je penserai à vous, vous ne le saurez pas. Les regards fugaces au carrefour du hasard qui vous fait prendre un détour, par des images, par des visages, font le cœur lourd. Car chacun suivra son petit chemin, sachant qu'il n'y aura pas de lendemain. À ces mirages, tournons la page, c'est là le jeu du destin. Me regarderez-vous? Pourtant moi, je suis là, je penserai à vous, vous ne le saurez pas.